L'oseille a des oreilles comptées dessus, ne te sauvera pas. Bison, pisté, brisé, brisé, fiston, vilain, teasé, teasé, prison, appel, listé, listé, génération, crypté. Fais le fou du haut de ta tour, échec et mat, c'était à Paname. Il faut 5 fruits et légumes par jour, on te carotte et met des bananes. Tu recherches mon adresse, je suis toujours dans le zoo. Je suis toujours dans le vrai, t'es toujours dans le faux. J'sais que t'as kiffé mon flow, Renan fait pas semblant. Warzy Boy aura bien, assassinat sans gants. Tu recherches mon adresse, je suis toujours dans le zoo. Je suis toujours dans le vrai, t'es toujours dans le faux. J'sais que t'as kiffé mon flow, Renan fait pas semblant. Amine Braque le rap game, assassinat sans gants. Money, money, money, est-ce que tu me reçois? Je suis comme un vampire, je dors le jour et je traîne tard le soir. Tu dis tu me connais, mais tu m'as vu sur les photos. Photos, tu sais que le vide, je suis sur la moto. Moto, je suis sur la moto. Moto, semi, semi, auto. Je suis comme Casillas, je peux compter que sur mes poteaux. Elle me parle de prince charmant, négro, je me fais bouffer des princes. Les petits rêvent du rein, t'aimais pas celui du parc des princes. Donc, poteau fait péter le sang dans des baffes. De Vicky qui rêve à mettre des baffes. J'arrive en force pour taronner watt. Tous ceux qui parlent, c'est moi, gros des watts. Comment je kick, comment je débite. Demande à la CNE, j'ai des boîtes. J'ai le F et le W qui déconne. J'suis pas là pour le gêner. Tu recherches mon adresse, j'suis toujours dans le zoo. J'suis toujours dans le vrai, t'es toujours dans le faux. J'sais que t'as kiffé mon flow, Renan fait pas semblant. Warzy Boy qui aura bien, assassinat sans gants. Tu recherches mon adresse, j'suis toujours dans le zoo. J'suis toujours dans le vrai, t'es toujours dans le faux. J'sais que t'as kiffé mon flow, Renan fait pas semblant. Amine Braque le rap game, assassinat sans gants. Ça fait hip hop freestyle. Hip hop freestyle. Hip hop freestyle. Hip hop freestyle. 100% rap français. Planète Rap. La Nocturne. Bash dans La Nocturne, 100% rap français, ça vient du 38 Grenoble dans La Nocturne. Ça va être chaud les mecs, Grenoble c'est le Barça. C'est le Barça, devine qu'arrive en 3K. Personne ne dit quand j'ta 3-8-6, grand sta. Talonnade, Madjer, 16-9ème, 4-tiers. J'vais réussir sans Lova, sans Tito Villanova. Passement de jambes, double contact. Zlatan, Hong Bak, vision, opaque. Punchline de Bosniak. Dans ta clique, te dire ça. Non, pas vrai, t'as ça. Grenoble, c'est pas Gaza, mais 3-8. Les pions 9mm et une liste de contacts. Dans la surface on tacle, manque de respect on tacle. C'est au daf que tu bluffes, même avec les bonnes cartes. J'illumine la vermine, j'ai leur fait lever les bras. Je les regarde, casser leur coupe, casse de puce, les barras. Force les barrages, bon débarras. T'as loué la Ferrari, mais bon t'es resté par là. De la White Widow, mixé dans la massa. Tu vas décoller plus haut, une fusée de la NASA. T'as les dents couleur pisse et les yeux magenta. Tu connais les règles, fils, t'appelles pas les gendarmes. D'armes, on n'est pas des gens calmes. Calme, ça va finir un drame. Drame, ça t'a plus que le prime. Prime, t'es pas vendeur, t'es gain climb. La couleur est forte comme une bosse. La Nocturne. Le garçon s'appelle Mayo dans La Nocturne. Il y a un projet en préparation, 8 titres. Qui cherche trouve. Le 4093. Yuzu, c'est le morceau qu'on écoute maintenant dans La Nocturne, 100% rap français. T'es qu'une bitch, t'es comme Stéphanie. Arrête de faire le tech, t'es comme Stéphanie. Bitch, t'es comme Stéphanie. Tu fais le tech, mais t'es comme la Stéphanie. Yo, Ouzo n'est pas ton ami. Du sang sur mes vêtements, puis sur le tatami. La tronche à plat, hâtie comme un panini. Y'a que comme ça que tu nous tiens la compagnie. Le chibon, tu peux me le malaxer. Ta bouche dessus, ça pourrait me relaxer. J'ken des chiennes, pourtant je ne suis pas au fil. Encore loin d'être comme ton daron le pédophile. Cocaïne, héroïne, je reçois des coups de fil. On tombe en ruine lorsque les condés nous filent. À tour de rôle devant la juge, on défile. Une chose est sûre, t'es pas des stories débiles. T'es qu'une bitch, t'es comme Stéphanie. T'es qu'une bitch, t'es comme Stéphanie. T'es qu'une bitch, t'es comme Stéphanie. Big, big cheese comme la Stéphanie. T'es qu'une bitch, t'es comme Stéphanie. Arrête de faire le tech, t'es comme Stéphanie. Bitch, t'es comme Stéphanie. Tu fais le tech, mais t'es comme la Stéphanie. Tu sors du boulot gros au bout du rouleau. La bouteille de boisson tu bois au boulot. M-A-Y, je n'ai pas que 2-3 kilos. Je bosse comme un pro, demande à ces gars du clos. Mon 3-5-7 fait danser le poudre. Une main sur le volant, l'autre caresse ton collant. C'est saoulant, ton boule, oui il est moulant. Ma bite dedans, j'aime quand tu la sens. Blédard, j'parle avec l'accent. Mes billets de sang, j'aime quand tu les sens. On tue les gens, avec ou sans l'essence. Black avec essence, bébé baisera la France. Planète Rap, 100% rap français. On demande le respect à personne. MTP connaît la méthode, on peut la coucher pour un petit somme, te coucher pour une grosse somme. Ma technique arrive du deublé, armé, prêt à partir en reggae, aveuglé par les chiffres en 2D, gravé sur les billets en revêt. C'est plus que du peur, tu le sais, tu l'admets, des ennemis on n'aura jamais assez. Je vais pas me faire chier tout seul au sommet, donc je prends mon temps pour les effacer. Elles aiment le pognon, elles aiment la vitesse, j'explique un texto quand j'ai envie de sexe. Viens me voir si t'as la migraine, je vais faire semblant de planter la petite graine, on est sur les nerfs. On est sur les nerfs. Faut baisser un peu le micro s'il te plaît. On est sur les nerfs. Yeah. Ramène ta biche, je la prends en sandwich avec le négro qui partage ma tête. Man, elle vient pas de Colombie, mais cette blanche me massacre la tête. Man, elle me reçoit 7 sur 7. Je sors ma hug, j'ai mes têtes sur tête. J'ai une nasse verte, j'ai une ceinture verte. J'ai la peau noire, j'ai une ceinture noire. Alléluia, la concurrence fait engloutir par des trous noirs. Je suis dans un grépois, échange juste en taille des pions, les fumoirs. Je vois des couverts dans les couloirs. Tous mes négros sont allumés. Tape quoi cette merde, c'est une poêle du nez. Le loup-garou est ma lune. On est sur les nerfs. On est sur les nerfs. On est sur les nerfs. On est sur les nerfs. On est sur les nerfs. Poirier sur les nerfs. M.T. pied sur les nerfs. Quoi?

coup de Ferrari, même pas le prix d'une balle d'état au la vive à Dami Qatari. J'applaudis la folie, je supporte ma cause. Je suis Kaira Malpoli, tu shit à haute dose. Quatre roues motrices, sois plus la police. Je vais dormir tranquille, en comptant mes chiffres. Ma gueule sur l'affiche, vécu de grossiste. Raid aux érafleuses, dans la boîte 6. Dans la rue, il faut pas jouer. J'suis devant la porte, j'les entends parler. Ils veulent me voir à la maison barrée. Mais pour l'instant, on est chargé. Ça passe crème pour mes haters. Ça passe crème, ça passe crème, ça passe crème pour mes haters. Ça passe crème. Dans le Cayenne, c'est le haters. Ça passe crème. Ça passe crème, ça passe crème, ça passe crème. Smith et Wesson dans les tuyaux. Silencieux s'ils font trop de bruit. Je les comprends plus quand ils parlent. Je dis rien de sorcier pour mes ennemis. Rien de compliqué, ma gueule. Je t'habitue de dire hey. Je veux me tailler de la cité. En vrai, il reste d'y venir hey. Je vais leur chiffrer. Si je like, mon rap c'est l'avenir hey. Je suis bien trop vrai, trop prêt pour réussir hey. Violence sur peine, galope. Ils ont bu leur règle, c'est salope. La frappe vient du riz du Maroc. Je vais tout niquer comme un frère qui touche les alotes. Je suis devant la porte du Kofio. T'es devant la porte des deux chiots. Et pas besoin d'une équipe. Mais couillez-moi, c'est déjà trop. Dans la rue, il faut pas jouer. Je suis devant la porte, je les entends pas. Planète rap. La nocturne. J'ai grandi dans la rage, la crains pas. J'attends que la mort chez qu'elle me rattrape pas. Tout seul en bas, j'attends mon papa. Je crois que ce soir il arrivera pas. Le temps passe, moi ça m'atteint pas. Tout le monde se tait quand les gars boivent. Quand t'as plus de succès avec ton gagne pas. Ils viennent plus tu sais si tu gagnes pas. Je noie mes soucis dans un tapin. Y'a plus de bus, il faut que je rentre à pain. Je m'endors sur les quais soir, ça va pas. Je dors mal, je me réveille quand les trains poissent. Chacun ses raisons, moi j'avais les miennes. Je me suis toujours contenté des miettes. Ils connaissent pas ma vie, ils parlent dans le vide, mec. Dis-leur qui se mêlent de leur vie de merde. Je m'endors à l'heure où mes ennemis dorment. Je me lève à l'heure dans leur cauchemar. Humble et vrai comme Zidane et Fedor. Je regarde le temps défiler sur leur haute mare. Je pense à arrêter de fumer, ça me fait des trous de mémoire. Je suis troublé, moitié robe, moitié fou. Dis-moi qui parle de moi pour faire le foot devant une fouve. Dis-moi qui sera là pour m'épauler si je perds tout. Dis-moi combien sont avec moi, combien vivent avec moi, combien meurent avec moi, combien sont prêts à tirer pour moi, faire des vies pour moi. T'inquiète pas, on m'a tout dit, moi, on m'a tout appris, moi. T'envoies des mandats tous les 6 mois. Après ils viennent te dire qu'ils t'apprécient. Moi j'ai nagé dans les eaux usagées, pas sur les plages hein. J'espère mourir à jeun, vu que je vais pas mourir à jeun. Combien ont tourné leur veste pour faire partie de mon histoire. Je vais pas dans leur sens, ça leur plaît pas. Tu veux que je te dise quoi. J'ai grandi avec violence, puissance et victoire. En parlant de moi ils tournent leur langue 666 000 fois. Qui amènent pas leur sale gueule à mes funérailles. Je les ai crossés, gros c'est l'orgueil qui les finira. Au jugement dernier, qui sera la poteau qui paiera. Tous prisonniers de cette vie, Inch'Allah bientôt libérable. Je rappe pour les gens qui n'ont pas eu d'enfance, pas d'habitat, pas d'espace vital, pourtant on habite en France. Pour les gosses à l'hôpital, à qui personne ne pense, à ceux qui se retiennent de pleurer pour cacher la souffrance. Chacun ses raisons, mon pote. On fait ce qu'on peut, hey. Il faut que tu le saches, hein. Je suis pas mieux que toi, hey. Arrête de faire le machin. Hein. Chacun ses raisons. Faire du mal, du bien. Aux autres ou à soi-même. Chacun ses raisons d'en être arrivé là où il en est. c'est le passé qui fait les choses. Et le passé on le choisit pas. Nous on choisit l'avenir. N-I-R-O. Chacun ses raisons. Morceau de Niroku pour conclure cette nocturne 100% rap français. Chacun ses raisons. C'est fini donc pour la nocturne. Ça reviendra dans une semaine. J'espère que la soirée a été bonne. Elle continue peut-être, hein, la fête de la musique qui a commencé. Mais en même temps, sur Skyrock, c'est 24 sur 24, 7 jours sur 7, la fête de la musique. Bah, profitez bien. Bon week-end. Bonne révision à ceux qui seront encore en examen la semaine prochaine. Bon courage à vous tous. Le son de Skyrock, rap R&B en non-stop avec Fabulo au contrôle, il est là en pleine forme comme d'hab. On peut envoyer le son et vous fixer en quart aussi dès lundi dans Planète Rap 2021 avec le label de Maître Gims. Ciao. Skyrock, rap R&B non-stop.